Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hind en Brezonnik en compagnie d'Henri Le Naou. Henri, il me semble qu'on est à la leçon 495, c'est ça? Perhan, Pemse, Kaperugen. Voilà, 415 et 80. Et 80, voilà. Et donc, j'avais envie de parler d'un mot qui est en même temps une racine, qui est crête. Crête. Crête, qui est une vieille racine indo-européenne, qu'on trouve à la fois dans le celtique ancien et en latin, et dans d'autres langues, hein, qui est la notion de croyance. Crête, hein, voilà. Crête, donc, c'est en breton, c'est un mot masculin qui veut dire... la confiance, la croyance, et donc c'est un mot qui est un pluriel régulier, qui est credu. Donc, comme je le disais, c'est une vieille racine indo-européenne qu'on trouve en celtique, et en latin, bien entendu, hein, tout le monde sait que credo, ça veut dire je crois, hein. Credo in unum Deum, hein, on a chanté ça dans notre jeunesse. Peut-être pas toi, t'es plus jeune que moi. Non, mais moi j'ai pas chanté ça. T'as pas chanté ça? J'ai pas été dans les écoles privées, moi. Non, moi non plus, mais j'allais à la messe. Et on chantait, donc, on chantait le credo, hein, et qui est un résumé de la doctrine chrétienne. Hein, c'est le texte de base. Hein, voilà. En breton, c'est migrede. Hein, migrede non doué hebken. Voilà. Migrede. Hein. Alors, du mot masculin... En breton, on a souvent un mot masculin et qui se transforme en mot en féminin en ajoutant « en », hein, « creden », qui est aussi la croyance « or greden », hein. « Or greden », une croyance. Hein, les dictionnaires disent aussi « superstition », mais entre la croyance et la superstition, la nuance, bah oui. La croyance des uns et la superstition des autres. Hein, voilà. Le verbe « crédine », hein, donc la base verbale c'est « crède », hein, et c'est à la fois croire et avoir confiance. Hein. « Mimus crède, bas antesan », non. J'ai confiance en Sainte-Anne, hein. On en entendait souvent ça. Ou « as encado », enfin chacun avait les siens. Hein. Voir les deux. Voir les deux, oui. Selon les cas, parce que les saints étaient spécialisés aussi. Hein. Donc en fonction des maladies, en fonction des... Par exemple, saint Antoine permet de retrouver ce qu'on a perdu, des choses comme ça. Bon, creden, la croyance, hein, or creden, bon. Alors, pour dire je ne crois pas, on dit je ne creden cut ou ne musque creed, hein, ne musque creed bandrasé, je n'y crois pas à cette chose-là, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi, donc, creder, hein, creder qui a à peu près le même sens. Hein. Creder ou credur, c'est le croyant, celui qui croit à quelque chose. Hein. Voilà. Et credoni, c'est la crédulité. Crédulité. Hein. D'ailleurs, on dit credus. Hein, souvent, on traduit credus par crédule, mais c'est moins fort que crédule. Crédule, c'est vraiment... Naïf, oui, c'est ça, oui. Il y a une notion de naïveté qu'il n'y a pas dans crédus. Hein. Alors, digredus, incrédule, bien sûr. Hein. Amgrade, c'est le doute. Hein. Amgrade, le doute, la suspicion. Voilà. Crédine, je l'ai déjà dit. Alors, je voulais dire aussi que cette racine-là, on la trouve dans beaucoup de langues. Et en espéranto, par exemple, Zamenhof a utilisé cette racine pour faire le verbe croire. Qui est crédit, comme en breton. On retrouve le même. Et il y a souvent, d'ailleurs, on avait déjà parlé pour Kreski, hein, il y a souvent des mots qui sont identiques en breton et en espéranto. Ce qui facilite un peu l'apprentissage pour les bretonnants. Voilà. Et qui faciliterait l'apprentissage du breton pour les espérantistes. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Donc... Il y a aussi une expression « mir gred fewar », je croirais bien, je croirais bien, je suis prêt à croire, quoi. Hein, mais j'ai un petit doute quand même, quoi. Et alors il y a aussi une expression qui est « mi gred », quand on dit « mi gred », de façon ferme, très accentuée, ça veut dire, bah, c'est certain, parbleu, pas le sang bleu, enfin, c'est presque un juron, quoi. Il y a migrate, hein, c'est pas seulement je crois, c'est que c'est certain, c'est prouvé, c'est, voilà. Alors, crédable, hein, crédable, croyable, hein, crédable, hein. Omgredin, c'est douter, hein, ou hésiter aussi, hein. Omgredus, hésitant. Discret, c'est le soupçon, et discredin, bah, c'est ne pas croire, être incrédule, quoi. Hein. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein. Une dernière, quand même. Briskreden, c'est une superstition. Briskreden. Mais comme on le disait tout à l'heure, hein, de la croyance à la superstition, c'est la croyance des uns et la superstition des autres. Donc Kreden ou Briskreden ? Briskreden, ouais. Voilà. Bon, ben, on a fait un petit tour sur Kreden. Très employé, hein, Kreden. On passe à la seconde partie. Brezonek, tombe à tombe. On passe à Brezonek, tant m'attendre. Eri, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'avais envie de parler un peu de l'orthographe. Ah bon? Tiens donc. Un doar escrivant, oui. Puisqu'il y a une polémique en ce moment sur... on vient de ressortir la réforme orthographique qui avait été préparée par l'Académie française en 1990. Et donc, il n'a jamais été appliqué, avec en particulier... il y a des modifications sur l'accent circonflexe, le chapeau chinois, là. Et puis, sur le F, en particulier avec le fameux mot nénuphar, ça fait tout un bazar, cette histoire de nénuphar. Et, alors, c'est amusant parce que on accuse la ministre, de l'éducation d'aujourd'hui, en disant qu'elle est coupable alors qu'elle avait 13 ans quand cette réforme a été promulguée la première fois, quoi. Donc c'est assez amusant. Elle récolte l'arrière effet de cette réforme qui, je sais pas si elle va être appliquée, mais c'est toujours quelque chose de, en France, quand il y a des problèmes sur l'orthographe, qui est une religion, en fait, hein, c'est une religion nationale, l'orthographe, c'est comme le drapeau et la Marseillaise, quoi. Alors quand on touche à ça, ça fait des... Quand on voit le nombre de gens qui s'insurgent sur la graphie du mot nénuphar, alors que le mot nénuphar dans les SMS, il doit pas être fréquent quand même. Hein. Je sais pas comment ça s'écrit en SMS. C'est assez amusant de voir cette disproportion qu'il y a entre un événement. D'autant plus que le fameux PH, c'est une graphie pour remplacer le phi grec. Mmh. Qui était une lettre, hein, tout simplement. Et on est les seuls à avoir fait ça. Hein. Les Italiens, ils écrivent pharmacie avec un F. Personne n'est choqué, puis je pense que ça les dérange pas outre mesure non plus. Tandis que chez nous, il faut que, quand ça vient du grec, ça soit PH. Oui. Voilà. Alors, ce qui est assez surprenant aussi, parce que dans toute cette bagarre, là, j'ai pas entendu parler des mots qui viennent de l'anglais avec leur orthographe. On écrit street avec deux E, le street art, le street fishing, et puis toutes les activités qui se font dans la rue maintenant, quoi. Et ça, le double E fait I et personne ne s'insurge. Dans week-end aussi, c'est pareil, quoi. Et puis on va pas dire une start-up, hein. Donc le son up, on le prononce up aussi. Donc c'est assez amusant de voir la disproportion qu'il y a entre cette réforme orthographique finalement très limitée et la réforme orthographique beaucoup plus importante qui rentre tous les jours dans la langue française. Voilà. Alors en breton aussi, dans toutes les langues, il y a eu des querelles orthographiques. En breton, on n'a pas échappé, hein, avec le Skolverj. Il y avait donc Alors, ça a commencé en breton, ça a commencé avec le père Monnoir, hein, qui a introduit le C apostrophe H. Enfin, le père Monnoir ou des jésuites, parce que, bon, on a tout mis sur le dos du père Monnoir, c'est peut-être aussi des jésuites de cette époque-là. En tout cas, c'est une réforme de jésuites. Et donc, le C apostrophe H, pour traduire le son re, hein, qui n'existe pas en français. Et puis, il a commencé, lui et d'autres, à écrire les mutations. Parce que, avant, on n'écrivait pas les mutations. On les prononçait, mais on les écrivait pas. Et pour simplifier l'orthographe, il a écrit les mutations. Hein, voilà. Et puis après, alors, il y a eu le Gonidec, il y a eu des tas de réformateurs, hein, de la langue. Et on est abouti, alors il y a eu le KLT, le ZH et le Skolveriøk, et puis pendant très longtemps. C'est du breton d'université, le Skolveriøk ? Oui, Skolveriøk, c'était du breton qui se disait universitaire, puisque c'était la création du Charles Falhan, donc qui était un universitaire. On l'a appelé le breton universitaire, Skolveriøk, en breton. Voilà, qui est très, très peu différent d'ailleurs. En fait, les deux graphies étaient très voisines. Donc il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, mais alors il y a aussi l'introduction du H après le Z, hein, le ZH, pas dans le Skolveriøk justement, mais dans l'autre, pour traduire le Vente, pour intégrer le Vente. Voilà. Alors aujourd'hui la querelle orthographique en breton est à peu près apaisée. Hein. Il y a eu une histoire avec Françoise Morvan, hein, c'est ça? Non, pas. Je non, pense non, pas. Que... La façon dont elle avait écrit un de ses mémoires. Oui, c'était sur Luzel. Oui. Mais ça allait au-delà de. Oui, ça allait au-delà de l'orthographe. Hein. C'était. Elle voulait pas modifier du tout l'orthographe de Luzel, alors que Père Dénès voulait qu'elle modifie l'orthographe de. Donc c'était une querelle orthographique. Une querelle orthographique, mais à mon avis plus importante que ça. Quoi. Il y avait d'autres divergences. C'est-à-dire c'est l'idée de garder le texte initial, complètement initial, ou bien de le modifier pour qu'il soit plus facile à comprendre. Enfin c'est un peu ça. Mais je pense que c'est pas très nécessaire parce que moi j'ai appris à lire le breton sur Buerzend, hein, qui est du Brézon de Léon, non? C'est du breton de Belgue, hein, du Léon, quoi. Et voilà. Alors d'ailleurs, quand on prend la graphie bretonne, on peut comparer à l'orthographe galloise. Et les Gallois écrivent des mots identiques de façon totalement différente. Avec un grand renfort de W, de Y. Hein. Alors de double D aussi pour transcrire le Z. Et bon, il y a des double L aussi. Donc il y a, oui, il y a une graphie quoi, hein, qui est différente et on est surpris des fois quand on est au Pays de Galles d'entendre un mot exactement comme en breton mais qui est écrit de façon totalement différente. Donc il faut bien comprendre que tout ça, l'orthographe c'est une convention en fait, hein, et que elle est pas si vieille que ça. Par exemple en français le loup, ça s'écrivait loup. L-O-U, ou le, L-E-U, hein, à la queue le, hein. Et à la Renaissance, on a rajouté un P pour rappeler l'étymologie lupus. Mais dans les textes antérieurs, et le loup est écrit sans P, quoi. Donc tout ça, c'est des conventions. Et puis alors, à la Renaissance, on a fait vraiment, il y a eu des grammairiens qui se sont penchés et qui ont essayé de revenir à l'étymologie, quoi. Et donc, en fait, je pense que l'orthographe, elle est pas française, en tout cas, elle est pas prête d'être réformée. Bon. Un doar escrivant. On en reste là, Henri, on passe à la troisième partie. Ben, calze dra ou evel just boer vej di ouzan. Krogom de diantan evel kiz a custum gant ala bourdou ar a gevu e war ar mez. Tost a rand eus an ebe amzer a betak bremen e ke begwal val an amzer hag e-bet douz, hein, un amzor, n'eus ket bet gwañ bet benefin, o rank en gredan ketei, o remantin, pe dior tout n'en traouz o in bleunio. Hein. O mis rog, bon, pe man bleunio, hein, pe dior bleunio zanjo, je vel velar, de, o zo aio, o mis rog zanjo, je ben, zanjo, je bzo, un an te get de ze viz meurs. Wardach en la bourdouar evel just, ben, kal ze draouz o de l'art, pe dior zo, reuz war armezioù gant lez, gant mor, gant trawel roaz, hag bon un enkaden zo vel velar d'un kriz, hein. Med zeneke neve, hein. Kav meus pe oan jo, un diel oan sel ad bame diel ou a meus kav edo ur pen lat skriv, gant on den a oa notre alduhi, oa hez oa depute deus Pirene ou Zariol, pelar en mod, hag ne oa skrivet ur penad barzeur gelaou en komba. Ur gelaou en komba oa gazetenn ze oa bekrou ed Rokfin e Brezel, hein, gant tud en eb de Nalamant de houl ze, a de gouvernement Vichy, hag bon mezad len eze, hag pez blijedin dap en barz, hag un desse moa da troc de ur penad skrivet, hag zo légitimité de la révolte paysanne. Hag m'avait fait béchange de bon chanche de naun o an laka de Michel, Manuel Valls, ma place Michel Debré, da skouer, bon chanche de Europe des 6 gant Europe des 28, va fait bé moyen de d'imbanzé. Zé oa skrivet et un bla mil noran per a Trugen. Ya, mil noran per a Trugen, ya. Hantar kan de l'assaut, spen hantar kan de l'assaut. Ya, avec quand ben même strau vel yudu. Ag l'art bon hem l'art bon yudu on de paysan de futur ne vain que pe travoir de zo labour bon avec hat kavet bars tout peso yudu. Avant si quoi l'arrêt d'un trau orgude en zo même stra et pe sa place vero de labour douar magevridig ze vraiment. Hag gud en zeus o bwe a brezel, ben e fin bwe a bre a di ouzan. Peu dur, bon, e beizant en zo sens de vag an en dut, met de vag an em a hamat. Hag ne ke di zer an er an, a rastel an er an. A oa l'er a brezel, beizant oa rez e oa, an yo an jonj de non lakad sambles, vid or kooperative ou. Vide bonne vide card on tombe vide levaison de ma personne noir prijo de spise de liaison de spise et prend le grandte a que prijo de spise guerre de grandte a que de hulls pvg grade opérative un dude ou mess ou opérative vigelard hein on dit norvois un homme une voix a que vraiment bénéfine opérative ou n'inke din dan galou de paysante chin. Tien tor même me se fait bête de paysante din dan galou de opérative. Opérative, vous deux de vous de Staliou vel réel. Bon, on aime vous de veguette bépla, vidon du de zo sens le bout de mes bars, mais de bénéfine leur galou de manque de chin gandaré, un bécrou de un nez, quoi. A mamez je di e sterd a gwelet ve ar meus gwelet peizantet o vont ma operativ de glas pez o ma frigoio a izou e war de vel digas ki de zlerhel a gad ne kese o aspir de vel just a aspir de operativ o. Bon, hag orgu de nel kiniget ve de la bourrerien douar zikourio dermot. De zikour ou des aides, quoi. Hagen, pis une classe, hein. Et ve febi de paix de prise, t'es. Et vide paix au rare goût bénéfine. Hag, bon, dis ce mancon. Bon, ouaran que pis ça disclume vous, mais, bon, crise au vevige de l'homme s'emmène. Bon, on reste au bé d'un encadre de noir, quand on peut dire au bé de tenne de hôtel, où il me sera d'air un trou, au nos jeux, même, pelle gouelle, mais me sera bonne. Bonne gouelle, vous, puis sa mode, vous connes. Wardash en un endro, vraiment, un gudanel, zo, un équebrag, ou elle s'claire, bah, faire un air borse, il trône varia l'an ailleurs, hein. Bebsord trouve et clève, hein, Bebsord, très ministre de ma machin, bonne, notre président, Fancholan, ne j'lard, j'ai bégré d'autres votades, au référendum, puis goudaguin, vous crède, un air borse. Mais ouais, déjà avec Guard Piu Halo Voto, puis tant mon réseau département, puis tant mon mur réseau Borden département, puis réseau Braison, réseau Bro Liger, n'est que clair tant me vite. Ag n'est que sûr, même m'avait guide au référendum. Échange que quand se trouve plus dur réseau du chambre du aga réseau in chambre in pour en que ça mode vos con bénéfine quoi un que bras goutte plus dur velarda bon et vel juste Manuel Valls ne stresse de vous de du graine ganzé héros et vel juste plus rien tant de ne soin de vous tant de nerf bors hein bénéfine Ague bonne Ségolène Royal n'est que Wells Clair pèsa zongeneuse bonne Gwellet vous hein pèsa mot vos comptes Wardash leur politique heureuse bonne Monsieur Calzedra de l'art de Hulu plus dur bonne vraiment politicourions au change alba bavotad avec Deauville Seitec avec moi une toute case dans de la cad maison très grande pays de Uganda noir ringe vichem bon Guelvo puis un mot de vos cons mais pas de normes sans savoir que comme de scuder noir vro puis pas une occasion dans de la cad à cette humeur hu du mois juin de d'inor et de réinor de dioublard de ce vro avec zoed de nanan kawar ma mamesdé wa Simone Toulet ba Gwengam, a Micheline Lelay ba Kalak. Hag un dioublar se neus labour kal fi de vro, a vi de glad ar vro, hag bon moa roan de l'ar d'an dramnek de si, de se. Simone Toulet wa ba Gwengam, hein, gant ne doa be ba Gwengam ba Milno han ugen, hag neus get kal se dro a vi de vid glad Gwengam, hein, honzoar e o bern tro, hein, Ag orbija dur vije heunei ba rue Gwengam, bedon bed o ne bat gwejo heunei, a meus dizolo e trou mames a venke gwell de ze rue, hein, ve trou dispar ba Gwengam, Gwengam ne zo rier an zo, o bern trou a zo kuye dregen tir, ag zo bern trou de zizolo in. Ag gant Simone Toulet oa obija dur orze, A crouet oa be ganteil mignon de Gwengam, les amis de du pays de Guingamp, c'est au Trégon Lasso, hag kal se draouz au be d'imban de gant ur gela ouenz. Hag skriven deus leverio, war histor Gwengam, hein, pis vivre à Guingamp au 19e siècle, ez meus be lened, meus be prened a lened, hein. Bon, hans oan tam, ba, war roud en sigis mon repars, ni wa begret tro war histor Gwengam. Hein. Bon, c'est tu Simone Toulez, ou et en an an, bon, moi, chon barra, un bromen, hein. Ag labour en eus bern, au bern vid glan Gwengam, da square vid a hastel, hein, castel perdo, ag vid an ilis, hein, vid an ilis, et trent varia, guir zikour, hein, a kal se dro, hein, Ag ur plar intande gant un glad oa, quoi. Pe vije fumor e vije oa gwellet. Pe sa mo de nek de vunizoar an trao eviti, quoi. Bon, fe lo chans, me mes raz o tud o labourad oar i roudou, hein. A vo der de labourad oar glad Gwen Gamm, qu'a Zézo, Andra Bouez et Vitier, Gwen Gamm. Micheline Lelay, ou Appelio, ou encore invite Simone Toulet, hein, ou à que mes pères et blas à Triugen. Ag Hons, ou à Bid Gann, de Badrancy. Ag heureux, je de Gann Francis Lelay, ou en avant de bah vro, hein, bah calac. Ag en une trame de dos, bu et l'arbre, bah Paris, hein. Et ou à bah RATP, à Hi ou à Horse Call. Ag Péroigne, ay ou à Olive et bah Gwen Gamm, bah, n'y a là que du stu, zéro ou à Rock Blau Dauville, hein. Doula Rock Blau Dauville, n'y a non là que du stu de la bourrade vide. Vical se droit ou bénéfice, toujours Vigène Gouelet, bah, Kals Stroladou, hein, bah, Kals Gévrili Gézio. Ag un labour Kals vide Kalak, hein. Dreistol, war glad, avoir une touriste hélas. Ag, obligea du roi, hein, la bourre de grande, grande Micheline Lelay, puis j'ai vigé Zeber Dermad, ag, Auberne Starty, j'ai vigé grand Teyam. Bon, là, c'est tu, brom, et être, non, non, mais derrière étude, Evel Just, Mames Maud, Velvi Simone Toulet, de la bourre de Wari Rodou. Ag, honneur Jean, je meuse, Evel Just, un vie Francis, puis j'ai, et en avant mode Bavro à Musbé de Alice Bujadur de la Bourra de Grand Temps. Bonne puis on commence de stud en Vro vraiment de Gomes on sont des nazo Yarmot et Marcel Guillouze hein. Puis dire bonne au sacré fête vos grettes Fidinor et Marcel Guillouze hein. Marcel de ce disque de Galles et du, ben, Marcel ne, zo compteur, canner, laboureur doux à roi, hein, puis j'aurais dans, l'arbre doux à, hein, jongemeuse de ce nom nous à rue, hein, ma treize, elle m'avait chez l'eau, de, jonge de zé, un DL, moi, clé, maintenant, grand Jean-Pierre, hein, ou à deux de la rune, ag, bonne, guiré, Marcel ne se laboure Galles, hein, à vite truscas, un trou hein plusieurs et Velmeslard compteur corner bah RKB mon laborat vide RKB bouen Dolchanton hein Dolchanton Calzabade nous nous bégren même de PVG Krog RKB un Bacchus Ulmer en mon président Ninor de RKB un Hanavet Mod Bavro grand Calzetude hein. A setu gant et on dravord, hein, or gwell viton, vidrei dan, or veda en office ur en arz ou ag liziri. Ag vogred or fet, hein, ba purut, ba la arion, hein. Or veya de xo ba purut, fez non, sa fez ni fez non, os gant o be an tud, hein. Ou anket hag eo moyen de la kenet tout de dram, hein, là. Tiem me bel zo. Ag vo ro otan ur medal, hein, office ou un aide de fils ou war une quand un d'elle vous marre grog mais il me souhaite office ou war une d'ailleurs dreist bon bah c'est tu un temps de spéso neve bavro qu'en avez-vous iri alors